à tous ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer, tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé, à tous ces fous qui appellent en numéro privé. Parle après, il parle après. Entre mes doigts, un cellulaire, dernier cri, j'ai le choix. Dans mon répertoire, des mecs, des filles, des ex dollars, des ex sexy, chaudasses, se cachent tous les noms de Jérémy et des doigts. Des potes avec lesquels je bouffe, d'autres qui préfèrent boire, des fous qu'on fait boire pour après les ken. J'esquive, je regarde mon tel vibrer, je tape une barre de rire, je peux vider sa mémoire, les vrais sont dans sa carte SIM. Y'a des comptes qui feraient zapper, mais je les garde pour être surparé. Bon, s'ils appellent, y'a pas de Raymond, mais toi ils appellent. Une héros noire, l'autre est blonde, l'autre vient d'Israël. Y'a pas de ségrégation dans mon iPhone, Anissa ou Marie-Laure. Des gars de Marseille ou de Paris Nord. Mon rappeur préféré, côtoie mon banquier, mes rampes. Si t'es un gars qui se fiait, donne tes numéros et je les rends. Ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer. Tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé. A tous ces fous qu'appellent en numéro privé. Par la presse, par la presse. A tous ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer. Tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé. A tous ces fous qu'appellent en numéro privé. Par la presse, par la presse. Mon répertoire c'est le bordel, faut que je fasse le tri. Tu m'appelles pour un feat, ok, mais faut que tu me passes le fric. J'ai des catégories genre famille, amis, musique, petite bitch qui parle de main en main à la manière du frisbee. Bizarrement y'a ceux qui m'appellent depuis qu'ils ont vu mon clip. Désolé je marche pas avec toi, surtout si t'as plus ton slip. Pas de choune, c'est quand je suis maqué que les aspects m'appellent, me disent tu peux débarquer. Mon mec est parti 4 jours. Y'a aussi les vrais frangins que je peux appeler H24. On est là si t'as des soucis, si jamais t'as besoin de cash. J'appelle le 19 à minuit. Après par contre c'est cuit, à l'époque je criais mon forfait. Si t'avais de l'or entre les cuisses, ceux qui me sous-estiment parlent à ma boîte vocale. Je suis remonté, ça gaze comme après 3 ou 4 coca. Évidemment y'a ceux que j'aime qui m'appellent dès que possible pour me dire continue, on te soutient, t'as des textes explosifs. À tous ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer. Tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé. À tous ces fous qu'appellent en numéro privé. Par la presse, par la presse. À tous ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer. Tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé. À tous ces fous qu'appellent en numéro privé. Par la presse, par la presse, par la presse. Si ton numéro est dans, c'est que t'es mon pote ou que t'as un intérêt. Ou que t'es une bête de meuf et que j'imagine te baiser dans mes rêves. Je le fouille toujours de fond en con quand j'ai les hoops qui me grattent. Il me sert toujours après 20h, surtout quand j'ai les coups de fil gratos. Ma botte secrète, mon remède au soir est plombé. Genre la porte de secours quand ça galère et qu'il y a pas de plan B. Tu cherches un plan, bédo ou baisse, regarde dans mon tel, y'a tout. Du livreur pizza aux réservations Novotel. Si t'es dans le rap, c'est la caverne d'Alibaba. DJ graphiste, beatmaker, radio, tourneur, MC qui tabasse. Par contre tu trouveras pas de numéro genre 17. Ici les petits frères défendent avec leurs biceps. Mec on pose le 18 si t'es en danger. Moi j'appelle mes potes d'enfance et c'est qui débarquent au plancher. Mon répertoire c'est mon plan de survie, mon joker, mon bonus, ma boîte à outils avec laquelle j'opère. À tous ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer. Tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé. À tous ces fous qu'appellent en numéro privé. Par la presse, par la presse. À tous ces numéros qui m'ont suriné, ceux que j'aurais voulu bloquer, supprimer. Tous ces rappeurs que j'aurais rappelé s'ils avaient surimé. À tous ces fous qu'appellent en numéro privé. Par la presse, par la presse. Trissa la prod. T'as reconnu les styles? Karna Loco Stelio.